Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président d'Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, tout récemment, vous avez effectué un court voyage en Syrie. Vous avez constaté de près la situation dans ce pays qui est accusé par des puissances occidentale de réprimer les opposants. Pourriez-vous nous donner un aperçu de ce que vous avez constaté dans ce pays, s'il vous plaît? Oui, bonjour à vous. Évidemment, moi, j'ai séjourné que 3 jours. J'étais déjà venu en Syrie, hein, avant. Ce que j'ai pu constater, c'est que la situation là-bas, quand on regarde, tout simplement, ne correspond pas du tout à ce que disent les médias occidentaux et notamment français. Il n'y a pas là-bas de guerre civile généralisée, il n'y a pas de situation de siège et comment dirais-je d'alerte générale militaire et policière. C'est absolument faux. Je dirais même plus, dans la région de Damas, il n'y a rien du tout de particulier comme dispositif, ni donc comme opposition. Puisque j'ai déjà séjourné en Syrie, la situation n'est absolument pas différente que quand j'y étais allé il y a plusieurs années. J'ai par contre constaté des traces de troubles à Hama, qui est effectivement un bastion, je crois, musulman sunnite, opposé traditionnellement au régime, mais qui s'est traduit par des manifestations de rue avec des slogans et des bombages, et par des attaques ciblées par contre de groupes armés qui, eux, me semble très différent, je dirais, de manifestants politiques de type classique. Voilà ce que j'ai vu et qui est une évidence. Et même si je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'opposition, de répression, etc., ce qui est certain, c'est que la situation réelle là-bas ne correspond pas du tout à ce que racontent les médias et que la situation syrienne, je dirais globalement, est beaucoup plus calme que la situation en Angleterre ou par exemple en Grèce, en ce moment en Europe. Voilà. Mais vous confirmez l'existence des groupes armés qui, selon la version officielle du pouvoir syrien également, s'en prend aux forces de l'ordre. Oui, puisque j'ai pu constater notamment à Hama les traces d'attaques de lieux publics symboliques, comme notamment des commissariats de police, attaqués à l'arme lourde, incendiés avec des impacts de balles, d'armes de guerre. Donc là, on n'est pas du tout dans des manifestations de civils que j'ai pu voir par ailleurs, qui sont des jeunes parfois, qui demandent un peu plus de démocratie ou ce genre de choses. Là, on a vraiment des traces d'attaques très précises de type militaire qui ont été menées dans le but de déstabiliser, d'entraîner comment dirais-je, de la répression. Et on voit bien qu'il y a donc deux types d'opposition. Une opposition classique, je dirais, d'un pays finalement relativement démocratique qui a une opposition interne, qui est une opposition politique et civile. Et puis par ailleurs, des entreprises de déstabilisation de type de groupuscules militarisés. Voilà. Monsieur de Soral, en fait, suite à des manifestations dans certaines villes de la Syrie, le président syrien, Monsieur Bachar al-Assad, a lancé en fait un appel au dialogue national. Il a également promis de procéder à des réformes. Est-ce qu'il y avait, d'après vous, une véritable volonté de la part du pouvoir central de vouloir engager un dialogue avec l'opposition, c'est-à-dire d'engager ce dialogue national? D'après ce que je connais de la Syrie et de ce que j'ai vu, il est évident que le régime syrien qui est fondé sur le parti baathiste, maintient depuis des décennies un équilibre dans une région à la fois multiconfessionnelle et complexe. Et il est évident que le président Assad veut maintenir cet équilibre dans l'intérêt, on dirait, général du pays, et que par contre, certains groupes extrémistes ne sont là que pour essayer d'entraîner une catastrophe générale sur le modèle en fait irakien, récemment sur le modèle libyen, par une déstabilisation qui en général est comment dirais-je financée, voulue de l'extérieur. Hein, voilà. Il est en train de se passer, à mon avis, en Syrie, une entreprise de déstabilisation, comme on en a vu au Liban il y a longtemps, en Irak il n'y a pas très longtemps, et plus récemment pour nous, dans les pays de l'ex-Union soviétique. Voilà. Et cette entreprise de déstabilisation est-elle soutenue à l'extérieur du pays? Ben, il est évident qu'elle est soutenue à l'extérieur du pays, puisque quand on voit notamment les commentaires français au niveau politique qui sont faits et que les hommes politiques européens exigent le départ du président Assad, qui, ça, j'ai pu le constater, est très populaire et très légitime dans son pays. Hein, il est bien compris pour l'homme qui est le facteur d'équilibre dans ce pays. Voilà, il y a une vraie volonté, un énorme mensonge médiatique et une volonté de déstabiliser un pays et une région qui correspond, il est évident, à la stratégie des néoconservateurs américains qui avaient déjà été initiés sous Bush et qui est encore aggravée sous Obama et qui s'appelle le conflit de civilisation et le redécoupage du Moyen-Orient, avec toujours cette espèce de lecture, comment dirais-je, fausse, et en même temps cette tentative d'opposer le monde chrétien occidental, notamment au monde musulman, alors que ce sont des régions où cette lecture-là n'a aucun sens, et en s'appuyant par exemple, notamment la puissance américaine, s'appuyant toujours sur des forces de déstabilisation soi-disant islamistes radicales, effectivement, aidées en ce moment, on le voit, par le Qatar. Enfin, on est toujours dans la même lecture, où des pays musulmans alliés de l'Amérique jouent un jeu pervers en aidant l'Amérique finalement à instrumentaliser un islam radical qui ferait croire qu'il y a un affrontement simple, binaire et frontal entre forces de progrès libérales et comment dirais-je, terrorisme islamique. Et ce qui est très étrange, effectivement, c'est que dans ces pays qui sont des pays laïcs, socialistes et d'équilibre, l'Amérique, pour les déstabiliser alors qu'elle devrait les soutenir, se sert de fondamentalistes musulmans qu'elle prétend par ailleurs combattre dans sa théorie globale du choc de civilisation. Donc on est dans une situation très perverse et très dangereuse, et c'est parce que je fais cette analyse globale que, quels que soient les défauts du régime syrien, ses pesanteurs, tout ce qu'on peut constater honnêtement, je le défends à cause de cette analyse globale, voilà. Et une dernière question. La décision de l'Union européenne d'imposer un embargo pétrolier à la Syrie a été fortement saluée par les États-Unis. Quel est, d'après vous, l'objectif poursuivi par les pays européens et les États-Unis en cette matière? Ben, je crois que c'est une stratégie en deux temps. Étant donné que le régime de Assad est très légitime et que le pays fonctionne assez bien, il y a la volonté en fait de faire plonger la Syrie dans un chaos économique pour créer des tensions sociales. Ça a déjà été fait puisque tout le travail de déstabilisation et de médiatisation a fait chuter terriblement le tourisme en Syrie, qui, je le rappelle, représente 14% du PIB. Et là, il y a une volonté donc d'appauvrir la Syrie en gênant ses exportations de pétrole et de gaz afin de créer un chaos social et un appauvrissement en Syrie afin de faciliter les manipulations par l'appauvrissement et de créer en fait progressivement une situation de guerre civile et de chaos. C'est la stratégie qui a été mise en place en Irak, on le sait déjà. C'est sans doute la stratégie qui a été opérée en Libye. On voit la volonté des pays occidentaux sous leadership américain de casser littéralement des États qui fonctionnent bien et qui sont économiquement beaucoup mieux équilibrés que les pays occidentaux qui, je le rappelle, sont en faillite à cause de la finance américaine. Hein. Donc on a une lecture totalement obscène et inversée, où des pays qui échouent totalement économiquement, qui sont les pays capitalistes occidentaux, à cause du modèle américain, sont en train d'essayer de détruire des pays qui, eux, fonctionnent bien, en les plongeant dans la crise économique et après dans le chaos ethnico-religieux, au nom soi-disant des droits de l'homme. Vous voyez, nous sommes à une période de mensonges et d'obscénité totale, où l'Amérique et la France, qui malheureusement depuis Sarkozy obéit totalement à l'Amérique, est en train de reproduire un schéma colonial d'une violence intégrale qui ressemble beaucoup au colonialisme guerrier du début du XIXe siècle. Hein. Nous sommes en train de plonger, dans l'obscurantisme néocolonial depuis quelques mois, et ça se fait sous leadership américain, et la France, malheureusement, fait une grosse part de travail, ce qui est parfaitement honteux pour un Français qui se respecte.